grammes sous les paupières, bien ceux dans la banquette. Et je pars au charbon, le coude sur la portière. Je coupe une fine lamelle, je la mets dans la lune. Ça c'est pour le palou, frérot, le monde est cruel. Je pars au charbon, l'argent c'est un poison. Je me méfie de tout le monde, je ne sors pas sans mes ablutions. Et le soir je tourne en 4x4, je mets des fausses plaques de diplomate. Oh mon dieu, je demande pardon, j'ai l'intention de faire du boulot crade. Je suis déshumanisé, je ne ressens plus rien. Avec le sang de mes ennemis, je voudrais remplir mon bain. Le matin dans le miroir, je me regarde, je vois un mutant. Si ma vie était un manga, c'est moi qui serais le méchant. Je laisse parler ma haine, parfois je suis si grain. Je suis pas à l'abri de la bêtise humaine. Je peux fumer un mec et finir au bless. Mon ADN sur un ego chaud. La criminelle à la maison chaud. Fais comme sous les paupières, bien ce dans la poquette. Et je pars au charbon, le coude sur la portière. Je coupe une fine lamelle, je la mets dans la lune. Ça c'est pour le palou, frérot, le monde est cruel. Comme sous les paupières, bien sûr dans la pochette. Et je pars au charbon, le coude sur la portière. J'en ai plus rien à foutre, je suis prêt à tout perdre. Je ne ressens plus rien, je suis devenu cruel. Je n'ai plus aucun sentiment, pour m'arrêter, pour me descendre. Je pose ma main sur mon torse, pour voir si mon cœur bat encore. Les menottes pour laisser des traces, cordialement pétard. Bébé, si je te raconte ma vie, je vais faire couler ton mascara. Je pars au charbon, l'argent c'est un poison. Même quand le studio est fini, je reste et je tire des coups francs. J'ai survécu à des coups de feu, des coups de pute, des coups de traître, des accidents, des coups de balance, je suis devenu cruel. Depuis le cordon ombilical, je joue mon pronostic vital. À mon réveil, y'avait personne autour de mon lit d'hôpital. J'insultais vos mères dans l'ambulance. Je suis un loup au milieu des moutons. Un pot à crasse ou une chaise roulante. Un mutant. Des grammes sous les paupières, bien ceux dans la poquette. Et je pars au charbon, le coude sur la portière. Je coupe une fine lamelle, je la mets dans la lune. Ça c'est pour le palou, frérot, le monde est cruel. Des grammes sous les paupières, bien ceux dans la poquette. Et je pars au charbon, le coude sur la portière. J'en ai plus rien à foutre, je suis prêt à tout perdre. Je ne ressens plus rien, je suis devenu cruel. Je pars au charbon, l'argent c'est un poison. J'ai pété les plombs, je les ai mis dans un pompe. Un peu de LV, tombé du camion. En poudre dans l'olivier, j'ai ton médicament.